Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Et oui, nous avons été relabellisés pour la période 2021-2025 et avons aussi changé de nom. Aujourd'hui, on revient sur la vaccination et les vacances en Europe, avec l'entrée en vigueur du certificat sanitaire, suivi d'une actualité sur le plan de relance pour finir sur la Slovénie, qui a pris la présidence du Conseil de l'Union Européenne. En attendant que les beaux jours arrivent pour cet été, je souhaite à tous les auditeurs et toutes les auditrices de bonnes vacances pour ceux qui ont déjà le droit. Et commençons par un petit point vaccination et un point sur le certificat vaccinal. Quelles sont les nouvelles toutes récentes ? Alors la campagne de vaccination progresse de manière assez constante dans tous les pays européens. Et dès à présent, donc depuis le 1er juillet, vous pouvez télécharger vos certificats de vaccination compatibles en Europe sur Amélie. Et donc les certificats Covid numériques de l'Union européenne sont utilisables et reconnus dans tous les États membres, donc depuis le 1er juillet. Pour ceux qui voudraient voyager en Europe, ça sera beaucoup plus simple. C'est bon à savoir, le certificat sera disponible aussi bien en format numérique qu'en format papier. En parlant de voyage, d'ailleurs, on va enchaîner sur l'ouverture des frontières et les voyages dans les pays de l'Union européenne. Comment s'informer facilement sur les restrictions sanitaires en cours dans les différents pays de l'Union ? Alors, comme les restrictions sanitaires changent quand même assez fréquemment, et aussi en vue du variant Delta, l'Union européenne a mis en place un site internet qui recense toutes les informations essentielles, donc ReopenEU. C'est le site qui centralise toutes les informations sur les restrictions sanitaires en cours dans les différents pays européens. Et qu'est-ce que l'on retrouve précisément sur ce site ? Toutes les informations dont on a besoin avant de partir en vacances, donc des informations et des cartes interactives sur les mesures en place, sur les exigences en matière de quarantaine ou de tests par exemple pour les voyageurs et le certificat numérique de l'Union européenne. Et puis au-delà des pays européens, on retrouve aussi les restrictions pour les pays tiers. Et si on ne parle pas anglais ? Alors aucun problème pour ça, le site il est disponible en 24 langues et il est mis à jour toutes les 24 heures. ReopenEU, il est aussi disponible sous forme d'application pour votre smartphone, donc on peut avoir aussi les informations pendant son voyage à l'étranger sur son téléphone. Voilà qui est très pratique, ça permettra d'être au courant de toutes les formalités et de faciliter les départs à l'étranger. Deuxième actualité, il y a quelques jours, l'Europe a fait parler d'elle avec notamment la tournée d'Ursula von der Leyen dans les différents pays européens pour les adoptions des plans de relance nationaux. Le plan de relance français a récemment été adopté, n'est-ce pas ? Oui, le 23 juin, le plan de relance de la France a été approuvé par la Commission européenne. Ursula von der Leyen était d'ailleurs en visite et a rencontré le président Macron pour signer ce plan. Donc le plan de relance au niveau européen, il s'appelle Next Generation EU et il s'agit d'une occasion unique pour l'Union européenne de sortir plus forte de la pandémie, de transformer les économies et de créer des possibilités et des emplois pour l'Europe. Le montant total du plan d'investissement s'élève à 750 milliards d'euros et a pour objectif de rendre donc l'Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente. Et sur les 750 milliards, quelle est l'enveloppe de la France ? Alors le plan de relance français mobilisera 39,4 milliards d'euros d'investissement pour accompagner les transitions vertes et numériques du pays. Quelles sont les priorités de ce plan et dans quoi les 39 milliards d'euros vont-ils être investis ? Alors dans ce plan, la France prévoit en particulier d'investir dans la transition numérique et écologique. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur la répartition de cette enveloppe financière ? Alors oui, il y a 46% de l'enveloppe française qui contribuera à la réalisation de l'objectif climatique et plus de 20% dédié à la transition numérique. Donc plus de 45% de l'enveloppe donc consacrée à des objectifs comme 4,4 milliards pour moderniser par exemple le réseau ferroviaire français et 5 milliards par exemple dédiés à la rénovation énergétique des bâtiments. Par ailleurs, 2,5 milliards seront investis dans la formation, les compétences et l'emploi. Donc deux investissements importants à retenir, alors le vert et le numérique, un plan riche qui vient compléter les objectifs du plan de relance national. On est au milieu de cette émission Europe On Air pour aujourd'hui, on va marquer une pause musicale en compagnie de Scarlett Pleasure et Let Go. I wanna have some fun. Burn all this money. Always be on the run, run. Leave all behind. Never let down. tough companion, easy to leave it hanging. Écoutez Fadjet sur 94.2. De retour dans votre émission Europe On Air après cette pause musicale proposée par Scarlett Pleasure et le titre Let Go. Scarlett Pleasure qui est le même artiste qui a fait la bande originale du film danois Drunk Multi récompensé l'année dernière. On continue donc avec une troisième actualité. La Slovénie a pris la présidence du Conseil de l'Union Européenne depuis le 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 2021. De quoi s'agit-il ? Alors la présidence du Conseil est assurée à tour de rôle par chaque État membre pour une période de 6 mois. Donc les États membres qui assurent la présidence travaillent en étroite coopération par groupe de 3, donc appelé trio. Donc le trio actuel est composé de l'Allemagne qui a eu la présidence de juillet à décembre 2020, du Portugal de janvier à juin 2021 et maintenant de la Slovénie de juillet à décembre 2021. Et ce système date de quand ? Alors ce système, il a été introduit à peu près il y a une dizaine d'années, donc par le traité de Lisbonne en 2009. Et donc le trio fixe les objectifs à long terme et élabore un programme commun pour définir les thèmes et les grandes questions qui seront traitées par le Conseil au cours de la période globale de 18 mois, hein, donc 3 fois 6. Et sur la base de ce programme, chacun des 3 pays élabore son propre programme semestriel plus détaillé. Que permet-il ? Alors ça permet notamment à chaque pays de faire entendre sa voix et d'assurer un peu le rôle de leader. Quel est concrètement le rôle de la présidence ? Alors avec le Parlement européen, donc le Conseil de l'Union européenne est notamment chargé d'amender et d'adopter les lois, donc les lois qui sont proposées par la Commission européenne. Et pour cela, le Conseil réunit les ministres des États membres par domaine de compétences au sein de 10 conseils thématiques. Donc on a par exemple l'environnement, l'agriculture, les finances, etc. Et concrètement, cela se passe comment ? Alors lorsqu'un État assure la présidence, donc il élabore des compromis susceptibles de résoudre des problèmes politiques entre le gouvernement des 27 États membres ou entre les gouvernements et le Parlement européen. On a toujours un dialogue entre les différentes institutions. Et donc, le Conseil est chargé d'organiser et de présider l'ensemble des réunions du Conseil. Par exemple, c'est son ministre de l'Environnement qui préside le Conseil de l'Environnement, tandis que c'est son ministre de l'Agriculture qui préside le Conseil de l'Agriculture. Donc, par exemple, en ce moment, comme c'est la Slovénie, si on a une prochaine réunion sur la thématique de la finance, ça sera le ministre des Finances slovène qui présidera le Conseil. Donc un des rôles est d'organiser les réunions avec les ministres et de les présider. L'État en charge de la présidence a-t-il une autre mission à remplir ? Oui, il y a une mission un peu plus diplomatique, donc celle de représenter le Conseil dans les relations avec les autres institutions de l'Union européenne. La présidence représente le Conseil dans les relations avec les autres institutions et en particulier avec la Commission et le Parlement. Donc on parle encore de trilogue. Et son rôle est de tenter de dégager un accord sur les dossiers législatifs, donc de loi, dans le cadre de ces fameux trilogues, de réunions de négociation informelles et de réunions du comité de conciliation. Et c'est donc la Slovénie qui prend la présidence. La Slovénie prend la présidence du Conseil de l'Union européenne et clôt donc le trio 2020-2021 après les présidences allemande et portugaise. Donc le programme de la Slovénie met l'accent sur quatre grandes priorités. Donc on a la reprise, la résilience et l'autonomie stratégique dans le cadre de la crise de la Covid. Ensuite, une réflexion sur l'avenir de l'Europe. La troisième, c'est le mode de vie européen, l'état de droit et les valeurs européennes. Et puis la quatrième, renforcer la sécurité et la stabilité dans le voisinage européen. Et pour la France, ce sera quand ? Alors justement, la France, c'est très bientôt. C'est de janvier 2022 à juin 2022. Donc la France présidera le Conseil de l'Union européenne dans le cadre d'un programme concerté avec les deux autres États membres qui sont la République tchèque et la Suède, qui prendront le relais respectivement au second semestre 2022 et au premier 2023. Et quelle est la devise choisie ? Alors il faut savoir que pour chaque présidence, on a une devise. Et donc l'État français a annoncé que son mandat sera placé sous le signe d'une devise relance, puissance et appartenance. Et de quand datait la dernière présidence ? Alors depuis 1995, la France a présidé trois fois le Conseil de l'Union européenne, donc en 1995, en 2000 et en 2008. Et la prochaine présidence française se déroulera donc au cours du premier semestre 2022, période lors de laquelle est également prévue l'élection présidentielle française. Un moment important donc qui arrive pour la France et qui va demander une sollicitation forte de tous les acteurs de la sphère européenne. C'est ainsi que s'achève cette émission Open Air. Merci Nathalie pour toutes ces informations. Sachez que vous pouvez réécouter dès maintenant cette émission en podcast sur le site de la radio www.fadjet.net. À bientôt.